Ai-je seulement vécu pour mourir maintenant? Un fusil à la main au milieu de ce champ. Ai-je seulement vécu pour tuer d'autres hommes qui ne sont que des enfants, un peu comme nous en sommes? N'ai-je vécu que pour cela? Ne suis-je né que pour ça? S'il faut survivre à bout de bras, je préfère vivre dans l'au-delà. Ai-je seulement compris ce monde qui m'entoure, qui me tire par le bras pour m'entraîner plus loin? Ai-je seulement compris que pour être fou d'amour, il faut tuer dans l'œuf ses rêves, ses lendemains? N'ai-je vécu que pour cela? Ne suis-je né que pour ça? S'il faut survivre à bout de bras, je préfère vivre dans l'au-delà. Ai-je seulement suivi un chemin tout tracé, comme d'autres avant moi l'avaient suivi aussi? Ai-je seulement dormi durant toutes ces années pour ne pas avoir vu le tunnel dans la nuit? N'ai-je vécu que pour cela? Et suis-je né que pour ça? S'il faut survivre à bout de bras, je préfère vivre dans l'au-delà. Dois-je maintenant gommer les passages de ma vie qui ne m'ont apporté que la désillusion? Dois-je maintenant refaire le cercle de l'oubli et penser que la haine est ma seule guérison? N'ai-je vécu que pour cela? N'attend-on rien d'autre de moi? S'il faut comprendre le pourquoi, je préfère suivre d'autres voies. N'ai-je vécu que pour cela? N'existe-t-il pas d'autres lois? S'il faut vivre dans l'anonymat, le ciel sera mon combat. Mon combat.